suis client, demande des crédits, car je veux devenir riche, mais on me complique, parce que je n'ai pas d'argent, oh si j'étais riche, il n'y aurait pas de problème, argent amène l'argent, mambo est comme un mambo, l'argent amène l'argent. Le riche ne sympathise qu'avec son ami riche. Le riche ne prête son argent, sa villa et sa voiture.